Bandeko toye li susu na kati ya confinement oyo baza ko impose population pona koloba ke gouverneur Gentili Ngobila alobaki ekozala li susu confinement tende balobaki ya 4 jours parce que motema ya africain congolais eza disposé te ya kozala mawana ndeko na ye po likambo ekoka kosimba mbala moko tomonaki eloko nyonso ya 1000 francs ekoma 8000 bamosusu 10000 parce que tozo kota confinement mayele na biso ezalaka muke tango che 10000 po basomba yo eloko na yo wana yeba ke tango ya sombi na ngo na 10000 ye tango ateka kandembi ya komatisa yango biloko nyonso komata vuna ve rien fait bawo bakanisa ki tango soba kokotisa mbongo ebele mbongo na bango ekoya kobima kaka na eloko mosusu bango bazangi tout ça ezolakisa bolingo muke ezalaka entre le peuple noir. C'est ça notre problème, spécialement na Congo. C'est-à-dire, au lieu de l'oba, les Kamwe Zubiso ya Pasi, Toyokana, Tozana Bolingo d'ensemble, Totikana nous biloko na biso nyonso ya pamba pamba la pembeni, toko kwako kende na sens moko. Difficile pour nous. Naibisaka mutu moko, oligo yeba kinu andenge azali, Congolais, tala tango kumba kamutuka. Bandeza moko, bako kreye 5 bandes. Parce que tout le monde a pressé. Tant qu'on créer 5 bandes et bloquer, bloquer les sous-sautés. Et tant qu'on les sous-sautés, vous faites une plainte. C'est ça dans notre tête. Et donc, Gentili Ngobila alobi, il y a les sous-sautés. Mais il y a des gens qui ont tant qu'on a les yango. Et loko ils avec 500 francs comme 2000. Est-ce que vous avez 500 francs? Tout le monde a les sous. Parce que d'habitude, tout le monde a les sous Congo. Carburant, balobi kaka dollar emati, okobana carburant emati, bango makati bako zelate. Metango balobi ekiti, okomona carburant ko kitate etikali place wana. Ezamba mentalité le kaka na mboka na biso. Est-ce que bakonzi bazana na conscience ya eloko basali basali déjà ya koloba to kende boye batu basombi so bibiloko lobi wana ezala ki somo bambutaji za ki monstre. Nabutu o tolongoli yango mais bato basi ba perdre mbongo ebele. C'est-à-dire on prend des mesures sans avoir réfléchi. Et loko bozobo mabiso yango wana. C'est-à-dire on lamuki ka bo tika na sala ba mona ke nazo travailler mais conséquence yango yo. Nyonso bato bazaki nango ba bimisi na maboko. Basombe yango cher. Pri wana est-ce que gouverneur okobulite zonga isike zalaki? Ou bien le bicara mesure au longo les pieds tikalindenge wana. Ça c'est une chose. De deux, nazomo na ba konziamboka na sepela kaka na mesure moko kaka. Oye président Félix Alobaki, professeur Muyembe Basala, chloroquine pa na biso. Nzete zawa. Mais mingi message au Organisation Mondiale de la Santé lobby. Mais organisation wana ezaka na complot ya makambo ebele zo elabiso. Basali yango pour bloquer le monde. Monde de kosala oyo biso tolobi awa. Mais en foutez-vous de ça. Makambo etali bino bosala yango selon bino. Ezateke yambo organisation mondiale elobaki elobaki nini. Basa ko décider chaque fois makambo oyo boza nango bénéfice te. So ki likambo salime pa na bango. Il faut bien tout. Bozala sima ya likambo wana. Mais ce qui est salé, pas Nabino, au Congo, on n'a jamais organisation mondiale de la santé qui s'intéressait particulièrement à l'Ikamu Nabino. Non, non, non, non. Na lingi sikoyo awa, na yebisa mukonjambo kaya ke, kosa la association anate aba medecin pour na chloroquine, réunir ba grand savant, ba zali, zwa batu ya traitement ya bokoko, zwa na batu ya batangi medicine na ba université, baza na ekipu moko ya ba chercheur, ba banda ko luka, soki vaccin biso moko toluki yango et puis makambo ebele senga ka vaccin te hein, c'est faux ba traitement mususu to sala biso moko zambo bokokata eloko boloni mususu vous allez voir que nous allons être indépendants biso tozotika bato batangi université na médecine wana ata ba ingénieur ba makara ba ista et puis totiki bango. Nous avons été en Chine acheter, nous avons passé une commande en Allemagne. Donc, vos moni conséquences, il y a gestion mabé, il y a pays. Ce qui Kabila, a salaka réellement tabila en Galambokoyo. Tu n'as pas souffert, boyete. Bonjour, tu n'as pas tourné, tu vas marsavko, bandon doazan en zete yambila. Mais Marsavo a ben azo la kabiso mafuta ezo kota soki Thailand soki nini est-ce que mituna biso eza normal pourquoi pas ko sala kaka bandundu ezonga esala kama mafuta mbila awa ba mafuta ebele bele ba bandi ko le sabiso awa et huile de table postulingi français te huile de table et le ki mafuta mbila te. Mundele est capable. Il y a quoi? Il s'agit de mafuta mbile za mabe pour vos anango, vos somba biloko yazo sala synthétique. Ainsi, je demande au président de la République, Premier ministre, vos alane équipe permanente, et ça, vous allez recherche sur la médecine, sur les virus, sur les infections différentes. Nous avons des plantes ici. Nde moment ya ko réfléchir bozui ba ingénieur métallurgiste ba ingénieur civil en construction base la place moko na lingina bimisa 5 millions de dollars bo sale langa bateau moderne ce n'est pas impossible s'il vous plaît le problème c'est de oser les autres ne sont pas des dieux ils ont osé ils ont fait ça a réussi. Makambo ya kozelaka loboko kaka boye lelo yo coronavirus c'est comme si biso bazoba. Na loso yo tokoki kolona awa. Doso uti Thailand, loso uti Corée, loso c'est ça nous. C'est là où la honte nous imbibe le corps. Twandengeni. Na pouvoir yo tusengi. Revenons à la terre. Pour ceux qui tozalaka na bilanga partout corona ko sala biso lokote to ko lia normalement awa ebeti makasi na poto elele li na bango biloko ebele ba travailler na ba produits chimiques ba sa ko lia zo lo ba na zo lia bien mais pas lia maladie. Je voudrais vous dire sans la peur d'être contredit coronavirus e kotaki awa eza awa bozo lo bati e kotaki. Yangwana année passée, novembre, décembre, awa na Kishasa spécialement. Tonyo koma kina ba grippe moko tobunda ki nango makasi, jamais grippe abo ebeta na Congo. Nous oublions vite. Bato yo ya ba hôpitaux ba yebi makambo na zoloba. To sala ki boye na grippe. Mingongo e kauka ki biso. Ba kosu moko boye tika kite. Ba hôpitaux za. Pour nanini vous n'informez pas au chef de l'État que non. Symptôme mounyon so bozo loba. Ané passe zara kiao. Ba tu ba zara ki kolia mondongo. Ba zara komela ma ya sinda. Batu banyo kwa mana mboka oyo. Cela devrait nous ouvrir l'intelligence. Oyo salaki. Bota la bafiche. Combien de cas yaba grippe? Et zalaki. Nan est passé. On ne va pas aujourd'hui qu'on soutouka. Oh, grippe. Corona et outi. Kuna na Chine. Eleki na France. Non, non, non. Cette histoire était lancée ici chez nous depuis l'année passée. Et bien avant ça, rappelez-vous de Chikungunya. Bah, il fait tout les alaki comme ça. Tout fumola kapé mayeli. Totali, makamo tozo monao. Est-ce que ce n'est pas où tout le monde a kiawa? Ça, c'est un. De deux. Bah, chef koutume balobi, zo mungwa oyo. Salele ango boye. Naba eloko musuba lobaki wana des fois ezali boye eloko wana bo sala tout yo chef ya ba chef coutumier du Congo bo lukana mino kwa mboka nyonso eloko wana toyeba yango to salela. Je vous donne raison 100% ponga na lobaki yango keza deal eza ba cop monde zo sala na ba occidentaux. Pona ko sili saloposo moindo, bazo sikoyo bomengo zaliyo, paske epayi na bango, babebi sa mo pepe, babebi sa mabele, balingi bazwa yango na makasi. Nazana video moko, ndelo na zolo ba, ifo population ya Afrika kita, toko boma yango lisoso na ba bombe te na mindu kite, tokoboba mango style mususu parce que normalement na plan maréchal il faut équita bazolo ba ouvertement. Deuxième vidéo bazolo ba clairement qu'il faut te réduire to monique banoir ba comme ebelé to réduire muntu ali bosa lo baki bosa ko bote ebelé c'est Macron Emmanuel lo baki yango lelo oyo na zana image na kochia yango bazolo ba to réduire batu mwintu, to sili sa. C'était un débat sur le coronavirus. Pour na bango, il faut qu'on réduire. Mais pour na nkolo, à réduire ce qu'on bango. Bango va développer qui homosexualité na pédophilie, à réduire bango. Bato yo ba salaki ndengen. Ba salaki kozoa ba konzinyo so ba mboka ya Afrique. Ba kotisi bango na science occulte na bango kuna bazo dirije bango soko sali boye to bomayo soko sali boye to salo boye ba kozisko bazaki ko sala sur leur propre pays ba biloko mabe moma yango yo nkolo apesi occasion ya kolongwa na système wana to banga ka pour rien to koki même ko arrêter classe ata 2 ans ata 3 ans to zongi na mabele. Problème est bon, mais il banga banga. Si tu as un salaire, si tu as un salaire, tu as un salaire. On peut même freiner tout. Tu as dit que l'on a caca. Dès que nous commençons à manger correctement, le reste vient. Rappelez-vous, il y a un programme où il y a un salaire qui est en train de se faire. Dans 5 ans, il y a un salaire qui est en train de se faire. Clairement, coronavirus pour na ko sil sanano ba noir ba sila ba zay belé. J'étais une boutade, j'ai dit voilà, c'est sûr qu'une épidémie massive comme celle qui fut celle de la grippe espagnole après la guerre de 14-18 en effet équilibrerait la surpopulation de l'Afrique. Bolandi Tango bango bazolo babo e baza clair. Est-ce que vous, Bakonzi Amboko, vous n'êtes pas capable de saisir cette histoire en faire une information nationale? Vous contactisez la population de sous ma caste. Bah, pays tout d'Afrique, tous les Noirs, même aux États-Unis, partout où ils sont, de refuser le vaccin. C'est là qu'on nous prend. Vous pouvez tout dire. C'est dans le vaccin qu'on nous prend. nga na kriaki na lobi mutoyo ya Bill Gates ayaki awa na Congo. Obo Bill Gates alobi ko sali sabiso na vaccin. Bill Gates ya sali sakaka na vaccin. J'ai dit foko boya yango. Il faut ko boya, il faut parfois revenir na simaonga na lobaka. Est-ce que bakoko na biso bazaki na vaccin boye po ba vivre? Mais ils étaient là. Pourquoi nous n'allons pas faire recours à ce qui a été avec nous? Pourquoi? Pourquoi vous passez toujours? La RDC a ratifié. La RDC a été au colloque. On a dit, nous allons prendre des mesures. Est-ce que chez nous, mesures ont un sens? C'est là que nous devons réfléchir. Le lot. Bolingo ya Congolais. Et zo sala ke mututu wazo mona biso zoba. Akoya ko mona la biso. Parce que tozo agir ndengenene. Corruption na makila. Bakangizera ba Congo. Soko ke opeshi policier mbongo. Akoti cho zamba zamba zamba obibine kishasa. Oya kishasa. Apeshi mbongo. Ake zamba zamba na mitendi ti abimina ba Congo. Voilà nous. Pourquoi bazo salayango? Il n'y a pas de punition au gouvernement à Pesaka. Il n'y a pas de suivi. C'est là le problème. On est passoire. Tokoloba mesure puis tofandi. C'est comme si mesure commandait au salé mayango moko. C'est ça notre problème. Bakonzi bazakana suivi à Temuketi. J'étais en train de dire chaque jour. Que to bande de discipline kaka na ba peuple nde baza yele. Dans l'entretemps, celui nous se soko s'occuper na mikonjo ya yul mikolo de kolo bozo kanga na ba PG. Soki bo zeli ke nde boko ya ko sala oyo sima, boko kuta basi ba komi ba grand tu. Suivi exact. La corruption est partout. On s'en fout. Ba konja ba Congo ba zui mesure na laksa ki bino ba vidéo makamba zo sala. Mais corruption et la police. Et je crois que ça va zamba zamba va bimé l'inzela moussous. Au pays, il y a 5 000 francs, 1 000 francs, au coléka. Voilà nous. Pourquoi? Parce que, au commun, il y a un kangi bango, punition et zamou. Qui est? A gozongé là. Boko kanga moukonzimo ko boya iba kimbongo et si de suite, lobi ba moni yé na ministère moussous. Lobi ba moni yé ko tambo la pam pam. Ne vous posez pas trop de questions quand il s'agit de punir. Vous vous posez trop. Vous voulez... Vous... La démocratie, c'est là le problème, c'est là que nous échouons. Natia, élément que vous comprendre que vous on dit que c'est le pouvoir de pression, de coercition. Total en Inde. Mais Awa, c'est difficile de faire ça. Nous avons habitué le peuple à l'entêtement. Parce que, vous voyez que, Ata Babandi, Bakusuka, Bataxi, Zozo, Batuka, Dengue, pourquoi laisser aller? C'est ça notre problème. Je voudrais donner une vidéo quand même, Natchayango, à Takobo changer mes yeux de l'eau. Moutoua Moussika a réfléchi à Kiboy, Tolanda Mama, pour une Moujinka. Bote na bande panangan yon soba Congolais, puis pas yon soubine Boswami. Les Alinga yon abine maman Moujinka naïe sous l'eau yo. En tout cas, les lots n'ont pas été mis en place pour les gens qui ont été mis en place. Ils ont été confinement. Tout le monde est en confinement, on est d'accord parce que ils ont pour protéger la population. Mais on a dit que les gens ne sont pas en place, ils ne sont pas en place, ils ne sont pas en place du jour au jour. Confinement, on a évité, on a évité. Est-ce que les mesures sont exceptionnelles ou bien exactées? parce que bato bakena weze tongo nyonso oyo kote bayebite soki di pourquoi soki komi bakolia nini bato wana 4 jours na boite mais ba kosala nde nini est-ce que ba mikonzi ya mboka bo trouver solution pona bato oyo tote sikona baluki pembeni na biso pona bako bazali koloba na bato na bazana ba association ba ONG ne tomoni yango kuna confinement wana est-ce que bozana na ba autorisation ya bako bako kobima ou pas. Parce que au confinement, on a 4 jours. On a évité que nous encore na bomoi d'ici 4 jours. En tout cas, on a beaucoup d'efforts. Beaucoup de mesures exceptionnelles pour nous aider. Ceux qui peuvent compter 50 personnes par jour, ils ont au moins vraiment surveillé. Na sengi bino vraiment ba de konangaye ba mikonzi mboka ba bazana liloba ba bazana pouvoir bo aider ba de konabiso parce que 4 jours na pona famille oyo a éviter soki akolia na mukolo eza passe parce que musu soki ake wenzete akolia te ba de konangaye to sala ndeni moté mezo sala nga passe na zo banga bande konangai na zo bangela nde bande ko ya biso bo bazana bana mike bo bazana possibilité au sein de l'autre côté bazana possibilité à tel autre côté ponga ita na kenda Kinshasa na mona ba tumususu bana mususu banda tongo bavanda et l'autre côté bazana kozela kaka soki moboti na bango azongi na pokwa soki akoyen na tuma pondu soki mo tuma Thompson babandi kolamba mais na zo banga bato 4 jours ba mikonzi mboka s'il vous plaît pour trouver solution pour la likambwana eza vraiment un appel au secours nazo sala na ebi ke boyebi mais eza question nazo ko me poser est-ce que ba mesure ezo makitote s'il vous plaît na ebi confinement na ebi que c'est pour le bien de la population mais il faut voir aussi il faut pas faire du copier-coller parce que ba population ya biso na population ya ba pays industrialisé et kokanité bande konanga et kokanité. Et donc, nous sommes les seuls à ne pas dire tout haut que ces gens veulent nous tuer, nous les Noirs. Les autres le disent, mais puis ils sont tous gentils, les hospitaliers, les dociles. Mais tant que tout ça, la caboué, ni n'y a qu'à s'y mettre, rien du tout. On ne nous respecte pas, on nous maltraite, on fait des bêtises sur nous, et ça passe. Mais pourquoi nous voulons toujours respecter ce que les autres veulent que nous disions? Le président Poutine, je disais, le président Poutine a lobby message clair. Vous voulez réduire la population mondiale et cette fois-ci, je ne vous laisserai pas le faire. Europe en Amérique, parce que Yokani bascule sa population mondiale, Bango Batikala Ibele va dominer toujours. Il a promis un dégât. Est-ce qu'ici, chez nous, on ne peut pas parler aussi? Vraiment? Vous avez des preuves matérielles? Vous ne voulez pas exploiter? Pourquoi? Vous avez peur de qui? Tolanda Poutine, Mouké, Véter. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы. Pona kokoma grande puissance, eza majité, e yakana sursaut d'orgueil. Kobanda osala ba recherche, mbongo boni botchaka na recherche scientifique. Mbongo boni botcha na agriculture. Mbongo boni botcha na enseignement. Mbongo boni botcha na santé, na police na armée. Les députés prennent beaucoup d'argent, les ministres beaucoup d'argent, pour rien. Ils ne foutent rien, ils ne produisent rien. Oh, nous avons créé une loi. Quelle loi? Va copier biloko ba France, ba Belgique, ba yoko lupimiliao. Parce que ce total, il m'a kamoundé, ils ont voulu awa. C'est à peine qu'on a des lois qui arrangent le peuple. C'est à peine. Alors, il faut qu'on soit courage. Prendre le taureau par les cornes, comme on le dit. Si l'autorité n'avance pas, le peuple n'avancera pas. Parce que l'autorité est la locomotive. Qu'on bange l'équidose. Alors, qu'on confine Batunga Nazaki, qu'on pose des questions. Tant que l'on a dit Batunga Nazaki, qu'on a dit Maté, quelle est la solution? Qu'on pompe qui s'en emboque, ou bien qu'on s'en. mosoe batikali na kati ya bandako. Pasa na kati ya bandako, soki bazana corona, bazana ngo na ndako, bako s'infecte kaka na ndako. Donc, mesure tout au zoloba. To imagina ki angote, e utikuna, ba ebisi biso, to bandiko pratike. J'ai dit dans la vidéo passée, Nkolo azo punir ba pays oyo ebebi sa monde, ba Italie wana na ba France. Vous faites semblant d'ignorer que l'Occident a tué le monde. Vous faites semblant. Bon, il faut utiliser comme méthode de votre moussou. On n'est pas les mêmes. Tous dans le même régime alimentaire, thé. J'ai dit et je persiste. Corona est contact avant Awa. C'est parce que tout ce que vous voulez dire aujourd'hui, et les cas qui a eu depuis novembre de l'année passée, décembre, nyokola ki batu. Bo surtout qui bo sali buru ya makasi, bo tchè batona panique. Mais tant que zala ki ko sala rage, bo tchè ki panique te, les gens marchaient correctement. Bo ye bazo kende, babandi ko traité ango ti esili. Oye ba komo lo bazana ki cité, non, on terrorise la population. Naebi saka de médecins ici que le virus du sida a été inoculé dans le vaccin de polio bazanga lokola fou. Ba mususu on peut t'arrêter, tu as des preuves ceci. Nous avons des preuves difficiles à vous démontrer. Nakola nanga pongi na lokoti makamu naebi sio. Ozo douter pour rien alors que c'est vrai. Tango mindele bango moko siko ba lobi ko ba travailler ango boye. Silence radio. Vous n'informez pas la population. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Fidel Castro a concentré qui ma kamoune nyon son aba médecin na yé. Le loba ki ko aide ba italien. Mais en Italie, vous avez vu comment ils refusaient de traiter les noirs. Comment ils ont tué les noirs qui émigraient. Comment ils refusaient que ma noir ba ko ya wate. Mais bango va vivre grâce aux noirs. Dieu le punit. Maintenant, c'est à notre tour d'être debout. Ne décourageons pas Dieu. Tout ça, là, est sonité. Quand il nous donne l'opportunité, tout comme biloba loba, ba hésitation, banini, et ça sonne. On a la lobby. Mais là, c'est un danayo. Kosangi sa Congo bololoté na citron. Et koko ma poison. Mais là, c'est un danayo régulièrement. Il y a mon dongo régulièrement. Mais là, maille de temps en temps. Tu observes quand même, ma bogo te ebi moussous sous soki, moutouazan a grippe, asimbika mouninga na yi. Grippe kota ke pa moutou. To loba, toko selana no corona te. Grippe tout ce temps, grippe nenge zalaka. O solenda moutou pembeni pembeni un mètre, o gozo ango. E koma loko la iloko moko ezo bangi sabiso yasika. Grippe zalaka ndenge wana. Bamboula nyoso te ebi grippe. Soki mwana zi yango nandako, bo zubino nyoso nandako. Me ko traite yango pe, e zakanango facile. To se terrorize mingite. To boya bamboko wa maboko, pona eloko wana. Ko sambrasaka, pona mamakambu wana. Me kesho ezali. Pourquoi jusque la batu ebele, oye tozo koyoka bazo kufazaka batu minene? Basala karini po bakufu. Ete yabino.